J'amène ton énergie, branche ton poste, écoute ma voix qui surgit. J'offre au grandissement des consciences et psychologie. Accroche tes proches, dis-leur que je reprends le mic et que j'y mettrai mon âme et mes strophes pour barrer ceux qui me plagient. Je reste le boss, le hip-hop, mon royaumologie, ma régie. Fuite tes poches, je reprends ce qui m'est dû sans pédagogie. J'suis pas de coffre, de voix, de talent, c'est de ça qu'il s'agit. Si j'tape à l'étoffe, MC disparaît comme la magie. Prends ça maintenant, ton futur se joue dans ton présent. J'ai un plan, j'prends quelques temps pour sortir de ce néant. Attrape l'amour que je donne quand ma voix sonne. Rythme personnel, mon microphone élève le sol. J'suis comme une thérapie, une vraie dose de psychologie. Ma mélodie, complètement vécu, avec minutie. Mais j'entends parler d'une guerre d'MC contre MC. Mais aujourd'hui, dis-moi quel est le MC. Rien à foutre du vrai hip-hop, je prends la main, j'suis classe hip-hop. J'ai pas l'éthique, j'vous escroque, mais t'achètes mon disque en blanc. Voilà ce que t'apportes, les vérités de talent. Qu'est-ce que tu crois sur le public, mais t'auras jamais le mien. Homme bionique, lyrique dynamique, mon fond devient physique. Mon optique se concrétise par le biais de ma musique. En constante évolution, la magie de mon inspiration justifie ma création, telle est ma fonction. Laisse-toi percer par mes vers, sors de ton enfer. J'ai le nécessaire en verre pour faire changer ton atmosphère. Mes codes vocales contrôlent l'essence de ton esprit. Le vent se lève, le soleil brille, j'amène ton énergie. J'amène ton énergie, branche ton poste, écoute ma voix qui surgit. J'offre au grandissement des consciences et psychologie. Accorde tes proches, dis-leur que je comprends le mic et que j'y mettrai mon âme et mes strophes pour barrer ceux qui me plagient. Je reste le boss de hip-hop, mon royaumologie, ma régie. Vite tes poches, je reprends ce qui m'est dû sans pédagogie. J'ai pas de corps, de voix, de talent, c'est de ça qu'il s'agit. Je tape à l'étoffe, même si disparaît comme la magie. Avant de gaspiller ton argent, salive, énergie, tu vois émerger le flux de sentiments immergés. Qui a coulé beaucoup d'encre, fait paniquer ton respect RG. De cette orgie, le hip-hop pour l'éthargie sort de sa misère, et que le rap nous s'étargit. Pour montrer argent, qui ont vivé tous de l'argent. MC à la langue d'argile finissent tous un jour par geler. L'art de manier le mic ne meurt qu'à geler. J'ajuste en rimant, pour de la faute si l'on réjuste un. Confond pas avec Justin, lyrique lourd c'est ce que Justin. Il y est juste, les lecteurs s'en tirent pas même de justesse. N'attends pas que j'en soute un pour qu'un billet t'en rajoute un. La soirée te faire jeter pour parmi nous savoir te jeter. Blessé tellement coriace, pas un docteur. Il me faut un veto, tenter de me crever, tu peux toujours te lever tôt. Le sport et le crayon par où je fais valoir mon droit de veto. Captive ton cerveau là comme un bon Brian de Vito. Pour moi c'est vital, comme ce qu'il y a dans mon futal. Yo, jamais ton énergie, branche ton poste, écoute ma voix qui surgit. J'offre au grandissement des consciences et psychologie. Accorde tes proches, dis-leur que j'reprends le mic que j'y mettrai mon âme et mes strophes pour barrer ceux qui me plagient. Je reste le boss, lui pas mon royaumologie, ma régie. Fume des poches, je reprends ce qui m'est dû sans pédagogie. J'suis pas de corps, de voix, de talent, c'est de ça qu'il s'agit. J'tape à l'étoffe, MC disparaît comme la magie. Jamais ton énergie, branche ton poste, écoute ma voix qui surgit. J'offre au grandissement des consciences et psychologie. Accorde tes proches, dis-leur que j'reprends le mic que j'y mettrai mon âme et mes strophes pour barrer ceux qui me plagient. Je reste le boss, lui pas mon royaumologie, ma régie. Fume des poches, je reprends ce qui m'est dû sans pédagogie. J'suis pas de corps, de voix, de talent, c'est de ça qu'il s'agit. J'tape à l'étoffe, MC disparaît comme la magie. MC.